Tú que amas un amor fantasma y que das un nombre a la niebla. Toi qui refermes tes bras vides sur ta poitrine et murmures les mots que nul n'entend. Viens et dis-moi comment perforer le silence, comment embraser et brûler la solitude. Dulce María Loya. Je sais qu'ils étaient là, ceux d'il y a 100 ans, au temps de la danse et des cerfs-volants. Ils baisaient le bout des doigts des dames de jadis, à la chair de crème fraîche, en robe de lamée, le cœur piqué d'orchidée, derrière les tables baccarat, jouant au dé, jouant leur fortune. Et trahissant leur foi, et terminant, devinez quoi, dans la dèche, qu'on appelait décadence dans les fumeries d'opium, les salons de chez Max Sears. Elles ont laissé un rameau du cerisier qui poussait encore au Trocadéro. Avant qu'on y creuse le métro, bien, bien longtemps, quand passaient les calèches. Quel frime! Et alors, les teufs, qu'est-ce donc? C'est maintenant, les sapeurs en costard et les flambeurs. Ils avaient quand même un autre look. Ils avaient l'air moins clouc. Peut-être qu'ils ne sont pas si loin, au pays des ombres, qu'ils ont laissé leur sourire à la lune rousse, aux nuits de folie et de sexe et de... Oui, oui, j'ai compris. Mais ils disaient... Alors, vache, coupée, décalée, qu'importe, vivons sans attendre. Un jour, nous emportera le cerf-volant.